gen frè, di mwen sa ou konèt. Bas la vi ka fuyon lè nou. E vie frè, va nou met a tout. Bas de men nou ke moun lontan. Fò nou lese yon de tras. A mon ev nou ja bien pote. Mè chèche pou repons. Bas repons se malè a kèsyon. Bisi mè ignore ankor. Bas konèt pa vle di savan. Fò pa nou oubliye souri. Se yon gran valè a la vi. An oubliye le mouve. Se yo ki bizwe apwan eme. Lanvwe nou tout ke ansam. Bel biten kay vini kon kan. Pas oublier que yon l'homme qu'à la ville.